franceinter.fr. Aujourd'hui dans l'affaire sensible Fukushima, de la catastrophe naturelle au désastre nucléaire. Il l'appelle Godzilla, du nom de ce monstre immense, vieux dinosaure endormi, réveillé par des essais nucléaires dans le Pacifique, qui détruit les villes et crache son souffle atomique. Cette figure centrale de la culture populaire japonaise est née au cinéma en 1954, 9 ans après Hiroshima et Nagasaki, comme l'exorcisme de ces jours sombres d'août 45. Au fil du temps, décliné en manga ou jeu vidéo, il s'est détaché de ce rôle de bombe atomique vivante pour devenir parfois un allié des hommes face à d'autres forces encore plus dangereuses. Saisissante métaphore du rapport qu'entretient le Japon avec le nucléaire, ce pays qui n'a cessé de balancer entre la mémoire traumatique des événements de 45 et sa dépendance énergétique considérable à l'atome civil. Ou quand la mythologie rencontre l'histoire. Le 11 mars 2011, un tremblement de terre suivi d'un tsunami frappe le Japon. Cet enchaînement de catastrophes naturelles entraîne la perte de contrôle des réacteurs de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi au nord-est de l'archipel. Le désastre industriel est en marche, des rejets radioactifs s'échappent du site. Commence alors une course contre la montre pour limiter au maximum les radiations du territoire et de la population. Une course sans ligne d'arrivée, sans point final, puisque les conséquences de l'accident nucléaire sont encore présentes et l'incertitude toujours de mise. Alors, comment une telle tragédie a-t-elle pu se produire dans un pays aussi développé que le Japon? Que nous dit-elle de l'énergie nucléaire, de ses risques? Quelles sont les responsabilités du gouvernement japonais et de l'entreprise en charge de la centrale? Que deviennent ces territoires et surtout les hommes et les femmes qui y vivent? Sur ces questions, nous reviendrons en seconde partie d'émission avec Noël Mamère, maire de Bègles et député Europe Écologie Les Verts de la Gironde. Il est notre invité aujourd'hui. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Simon Maisonneuve, avec l'appui des documentalistes de Radio France et de l'INA, attaché de production Valérie Bourg, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Fabrice Lègle. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Konnichiwa. Juillet 2007, région de Niigata. Ce jour-là au Japon, la terre tremble. Madame, monsieur, bonsoir. Au Japon, c'est un tremblement de terre extrêmement violent, près de 6,8 sur l'échelle de Richter, qui a causé la mort de 7 personnes. Il y aurait un millier de blessés et d'importants dégâts matériels. Namazu, c'est le nom d'un poisson-chat mythique sur le dos duquel l'archipel nippon aurait été créé. Une image qui traduit la précarité du territoire japonais face aux éléments. L'eau, le feu, le vent, la terre, tous se déchaînent sur ce pays. Placé sur une zone de subduction où la plaque pacifique s'enfonce et glisse sous la plaque eurasiatique, le Japon est sujet à de fréquents séismes. C'est son talon d'Achille. 5000 secousses par an sur l'une des plus fortes densités de population au monde. Mais bon, avec le temps, les Japonais ont appris à vivre avec cette menace, un peu comme les Californiens et leur faille de San Andreas. Au Japon, les énormes séismes de 1923 à Kanto ou celui de 1995 à Kobe ont marqué les esprits. Mais les progrès techniques ont permis d'atténuer les dégâts matériels et donc humains. En ce 16 juillet 2007, de plus des pertes humaines et des blessés, on se souvient aussi de ce qui retient l'attention des Japonais et des médias internationaux, c'est un autre problème. La centrale nucléaire de Kashiwazaki est toujours à l'arrêt. Au lendemain du séisme, les responsables du site ont annoncé que les fuites radioactives étaient un peu plus importantes que prévues. 1200 litres d'eau contaminée rejetée dans la mer et des substances toxiques libérées dans l'atmosphère. Une communication tardive, des informations incomplètes. L'incendie dans cette centrale attise les craintes d'une population très sensible aux affaires nucléaires. La polémique est relancée sur des accidents étouffés par le passé. Tout le paradoxe est là. Soumis à des risques naturels permanents, le Japon est le troisième plus grand producteur d'énergie nucléaire après les États-Unis et la France. Limité en ressources naturelles, il a bâti une partie de son indépendance énergétique sur l'atome. Plus de 55 réacteurs sont répartis sur l'archipel. Au cœur de ce secteur nucléaire, TEPCO, l'une des plus grandes entreprises du pays, quatrième producteur mondial d'électricité, gère la majorité des centrales, et notamment celle de Kashiwazaki. Après le séisme du 16 juillet 2007, TEPCO est sévèrement critiquée. Elle aurait sous-estimé la vulnérabilité de ses sites. L'avertissement provoque une réaction des autorités japonaises et de l'Agence nationale de sécurité industrielle et nucléaire. Un rapport est publié peu de temps après le séisme. Il montre que de nombreux incidents, dont certains critiques, ont été volontairement cachés par les différentes entreprises en charge du secteur. Face à l'indignation de la population, le gouvernement annonce une rénovation et un meilleur contrôle du parc nucléaire. Des réformes de sécurité sont mises en place et le seuil de résistance sismique des centrales est rehaussé. Pour autant, le développement du nucléaire est réaffirmé et poursuivi. Le séisme du 16 juillet 2007 et son incident nucléaire étaient un avertissement. 4 ans après, le Japon s'enfonce dans l'abîme. Bienvenue dans le 12-13, bonjour à tous, un 12-13 dans lequel nous allons bien sûr largement revenir sur ce terrible séisme qui a frappé le Japon il y a quelques heures. À Tokyo, la secousse principale est survenue de façon verticale, on a eu l'impression que l'immeuble s'arrachait du sol. Ça secoue, tout s'effondre, c'est très dangereux. Alors rappelons que ce tremblement de terre est le pire qu'ait connu le Japon, des images dignes d'un film de catastrophe. Je pensais que j'étais en train de mourir. C'était énorme. On voit les voitures dans la rue qui bougent. On a le plancher sous soi qui bouge, tout bouge, les vitres qui tremblent. Moi, j'étais coincée dans le métro à ce moment-là et les gens ont compris tout de suite que c'était pas une secousse normale qui a duré presque une minute. Le train était bloqué pendant plusieurs minutes avant qu'on arrive à nous faire sortir. La circulation est terrible, il n'y a plus aucun taxi, enfin, il n'y a plus que la marche à pied. Vendredi 11 mars 2011, 14h46, heure locale. 2 minutes qui paraissent une éternité. 2 minutes où les notions de temps et d'espace disparaissent. 2 minutes où tout bascule. Ce jour-là, un séisme de magnitude 9 sur l'échelle de Richter secoue Honshu, l'île principale de l'archipel japonais. L'épicentre est situé à 130 km des côtes, dans l'océan Pacifique. Depuis que ce type de mesure existe, c'est le tremblement le plus puissant répertorié au Japon. L'île d'Honshu est déplacée de 2,50 m, l'axe de rotation de la Terre de 10 cm. La force du phénomène est incroyable. Au nord du pays, de nombreux bâtiments s'effondrent, d'autres se lézardent, de l'eau et de la boue remontent dans les rues, sur les routes et sur les chemins de fer qui sont tous coupés. Par endroits, des failles éventrent la Terre. Partout, ce sont des scènes de panique. Habitués et préparés aux secousses, les Japonais sont surpris par la puissance du séisme. À Tokyo, les systèmes de protection fonctionnent, et bien même, impressionnant, oui, ce lent mouvement des buildings de plusieurs centaines de mètres qui penchent de droite à gauche. Ici, les immeubles vacillent, mais ne tombent pas. Au Parlement, au bureau, dans les maisons, au nord, à l'est, c'est près d'un tiers du pays qui tangue. La secousse s'arrête, pour un temps. Cette sirène, tous les Japonais la connaissent. 3 minutes après le tremblement de terre, l'alerte au raz-de-marée lancée. Les 670 km de la côte pacifique sont concernés. Arekuzen Takata, petit port de pêche situé au nord de l'île d'Honshu, dans la région de Tohoku, Futoshi Kudoba vient tout juste d'être élu maire. Il organise l'évacuation de ses concitoyens. Sa femme, elle, est au travail. Non loin de là, Masako Sugawara vient de dire au revoir à son mari, parti chercher ses 3 petites filles à l'école. Ici aussi, l'alarme retentit. Une trentaine de minutes plus tard, un tsunami avec des vagues successives de 3 à 40 mètres de haut s'abat sur Rikusen Takata, comme sur la route, sur la côte orientale du pays. Un monstre d'eau s'écrase sur le rivage et des destins se brisent. Futoshi Toba ne reverra jamais sa femme, ni sa maison, emportée par les flots. Masako Sugawara s'est abrité sur la colline. Son mari et ses petites filles disparaissent sous les vagues. Les images ne disent pas ces vies qui s'effacent. Elles montrent en revanche la vitesse incroyable avec laquelle la masse énorme emporte tout sur son passage. Le tsunami s'engouffre dans les terres. On retrouve des bateaux à 2 kilomètres de la plage. Mais y a-t-il encore une plage? La ville de Sendai, plus d'un million d'habitants, est dévastée. Alors le monde entier apprend le nom des villes martyrs, Minami Sanriku, Soma. Certaines ont disparu, peut-être pour toujours. Mais l'espoir, fébrile, renaît lorsqu'on voit sur les toits des drapeaux de fortune s'agiter au-dessus d'un hôpital portant l'inscription 300 comme le nombre de survivants. Une rescapée témoigne. La vague nous a percutés. J'ai essayé de m'accrocher à ce que je pouvais. Je tenais la main de ma fille, mais je l'ai lâchée quand nous avons été projetés dans l'eau et les débris. Je ne sais pas où elle est. J'espère qu'elle est vivante quelque part. Entre deux équipes du tremblement de terre, deux répliques du tremblement de terre, on prend la vraie mesure de la catastrophe. Scène d'apocalypse. À Tokyo, plus de 6 incendies sont déclarés. La raffinerie d'Ishihara, notamment à quelques dizaines de kilomètres de la capitale, est en proie de gigantesques flammes. À la télévision, les présentateurs de la chaîne nationale NHK portent des casques jaunes moutarde et ramassent les feuilles qui volent. Dans la capitale, baromètre du pays, il règne une étrange atmosphère. La ville, connue pour ses lumières qui brillent, sans discontinuer, est en partie plongée dans le noir. Les transports sont arrêtés, les magasins sont fermés. La mégapole éteinte symbolise l'inquiétude grandissante d'une grande partie de la population et des observateurs internationaux. Et un nom s'impose de plus en plus, il revient sans cesse, Fukushima. Là, sur le fond de mer, est installée la centrale Daiichi. Construite dans les années 70-80, elle se compose de 6 réacteurs et alimente en électricité une grande partie de la capitale. Or, Fukushima Daiichi a subi de plein fouet le tremblement de terre et le tsunami. Il était aux premières loges. Ces réacteurs sont en partie immergés. Alors, les regards se tournent vers cette région située à environ 300 km au nord de Tokyo. Vu la violence de la catastrophe, tous les Japonais craignent ce qu'ils appellent un Genpatsu Shinsai, un accident nucléaire provoqué par un tremblement de terre. De son côté, le Premier ministre, Naoto Kan, qui a revêtu son uniforme gris des services d'urgence, tient une première conférence de presse. À tous les Japonais, vous avez probablement déjà entendu à la télévision ou à la radio qu'à 14h46, un séisme de magnitude de 8,4 sur l'échelle de Richter a touché le Japon. Un séisme très puissant. Et j'offre toute ma sympathie aux victimes. En matière nucléaire, certaines centrales se sont arrêtées automatiquement. Mais aucune fuite radioactive n'a été décelée pour le moment. Maintenant, je demande au peuple japonais de rester calme et vigilant et de continuer à s'informer en écoutant la radio. Face au désastre, le gouvernement japonais organise les secours et tente de rassurer la population, c'est son rôle. Des milliers de sauveteurs sont envoyés dans les régions sinistrées. L'armée japonaise est mobilisée. Elle est rapidement soutenue par des troupes américaines. Plus rapide encore que les autorités, la mafia japonaise, oui la mafia, vient en aide aux victimes. Quelques heures seulement après le raz-de-marée, le premier groupe criminel du Japon, Yamakushi Kumi, affrète des camions chargés de couvertures, de chaussures et de repas chauds. Il ouvre des bureaux de liaison partout à travers le pays pour aider à localiser les victimes. Mais malgré les affirmations du Premier ministre, la situation à Fukushima continue d'inquiéter les observateurs. En France, l'édition spéciale de France 2 interroge Karine Poupé, correspondante de l'AFP à Tokyo. Karine Poupé, qu'en est-il des installations nucléaires? Sont-elles sous contrôle à l'heure actuelle? Alors, les installations nucléaires situées le plus près des zones sinistrées se sont arrêtées automatiquement. C'est une première chose extrêmement rassurante. Ça veut dire que les systèmes d'arrêt automatique fonctionnent. Deuxième point, le départ de feu qui a été signalé dans l'une des centrales est un petit départ de feu. Ce n'est pas grave. Et il n'y a pas de fuite nucléaire décelée nulle part à l'heure actuelle. Tout serait donc sous contrôle. Mais au fil du temps, les journalistes reçoivent des informations contradictoires. Autour de la centrale de Fukushima, dans un rayon de 2 km, 1800 personnes sont en train d'être évacuées. Puis on somme les riverains à 10 km à la ronde, restés cloîtrés chez eux. Alors, une quarantaine de minutes après sa première intervention, Karine Poupé revient sur la situation des centrales nucléaires. Karine, est-ce que vous avez des précisions à nous apporter sur ces 2000 personnes qui ont été évacuées autour d'une centrale nucléaire ? Alors, sous réserve de confirmation de la part des autorités, il semblerait que les niveaux d'eau de refroidissement dans les installations aient atteint un niveau qui ne soit pas normal, de sorte que par précaution, vraisemblablement, on a demandé aux personnes alentour de partir. Voilà. Karine, comment... Je n'en sais pas plus pour le moment. L'information est rapidement confirmée. Les autorités ont relevé un niveau de radioactivité effectivement très supérieur à la moyenne sur la centrale de Fukushima Daiichi. Alors, que se passe-t-il réellement sur ce site ? Les Japonais n'ont pas le temps de se relever de la terrible catastrophe qui s'est abattue sur eux, le tsunami, que la menace nucléaire approche à grands pas. Mars 2011, à 14h46, le séisme frappe les quatre centrales nucléaires situées sur la côte de la région de Tohoku. Il provoque immédiatement l'arrêt automatique des réacteurs en marche. À Fukushima Daiichi, seuls les réacteurs 1, 2 et 3 fonctionnent au moment du tremblement de terre. Les 4, 5 et 6 sont à l'arrêt. En revanche, le réseau électrique est détruit, des bâtiments sont endommagés et certains équipements sont mis hors service. 40 minutes après la secousse, le tsunami s'abat sur le site. Oh, il y a bien une digue, censée protéger la centrale, mais elle ne résiste pas à la vague de 14 mètres. Les générateurs de secours sont inondés. Or, ces pièces sont essentielles dans le dispositif de refroidissement du cœur des réacteurs. La situation est donc particulièrement grave, car même s'ils sont arrêtés, les réacteurs doivent impérativement être refroidis pour évacuer la chaleur et éviter la fusion. 2 heures et demie après l'impact du raz-de-marée, de la vapeur radioactive s'échappe du réacteur 1 de Fukushima Daiichi. La majeure partie des employés de la centrale sont évacués. Une petite équipe reste sur place pour essayer de reprendre le contrôle. Le 12 mars, lendemain du tsunami, à 6 heures du matin, la radioactivité dans les salles de contrôle est 1000 fois supérieure à la normale. La zone d'évacuation est agrandie. Elle est à présent de 10 km autour de Fukushima. Premières images d'hommes en tunique blanche, de transferts de personnes, de sas de décontamination, de distribution de pastilles d'iode 131 en prévention du cancer, de la thyroïde, tous les ingrédients du cauchemar nucléaire sont réunis. Pendant ce temps, les opérateurs restés sur place, bientôt baptisés équipe suicide, tentent tant bien que mal de réduire la pression dans l'enceinte du réacteur, mais rien n'y fait. À 15h36, heure locale, il est déjà trop tard. Un nuage de vapeur, gigantesque. Une explosion vient de se produire dans la centrale nucléaire de Fukushima numéro 1. Le toit et les murs du bâtiment qui abrite le réacteur se sont effondrés, faisant 4 blessés légers, selon la télévision publique japonaise. Les autorités viennent d'étendre le périmètre d'évacuation à 20 km autour de la centrale nucléaire. Sur le site même de la centrale, la radioactivité mesurée en une heure correspond à la dose maximale qu'une personne peut absorber en un an. Scénario catastrophe comparable à l'explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl en 1986. Mais l'Agence de sécurité nucléaire et industrielle japonaise se veut rassurante et juge peu probable des dégâts sérieux sur le caisson du réacteur. Après le plus important tremblement de terre de son histoire, le Japon redoute désormais une catastrophe nucléaire. Sur les écrans de télévision français, le logo change. Pour illustrer les éditions spéciales, la vague représentant le tsunami sous le drapeau japonais est remplacée par le sigle du nucléaire. La catastrophe change de nature. La panique gagne le pays et le monde entier. Le gouvernement de Tokyo essaie de rassurer la population. Le caisson du réacteur n'est pas endommagé. On parle d'incident nucléaire, pas encore d'un accident. Méthode Koué. Sans effet. Les supermarchés et les épiceries sont dévalisés. De nombreuses personnes fuient Tokyo. Certaines partent vers le sud du pays. Les expatriés quittent le Japon. Les journalistes reviennent sur les catastrophes nucléaires précédentes, celle de la centrale américaine de Three Mile Island en 1979 et surtout, Tchernobyl en 1986. On annonce des vents en direction de la capitale. L'inquiétude grandit. D'autant que la communication du gouvernement et de l'entreprise TEPCO ne rassure personne. En coulisses, c'est même la cacophonie. Le Premier ministre rappelle à l'ordre les dirigeants de la firme qui tardent à l'avertir sur la situation réelle de la centrale. Une vidéo publiée un an après la catastrophe témoigne de l'amateurisme des dirigeants de TEPCO face à la situation. Il s'agit de l'enregistrement des conversations entre les employés et les cadres au moment de l'explosion du réacteur numéro 1. Quartier général. C'est terrible. Oui, ici le quartier général. On a un souci sur le site numéro 3. Vous avez compris? Ok, il est 11h01. Je vais faire un rapport d'urgence. Que dit le manuel de gestion des accidents sur l'évacuation lorsque le bâtiment de maintien de la pression est endommagé? Désolé, je ne m'en souviens pas. C'est terrible. Il faut résoudre ça maintenant. Mettez la main dessus et envoyez-le-moi par mail. Après l'explosion, la direction de TEPCO décide d'injecter de l'eau de mer dans le réacteur pour le refroidir. Solution désespérée et risquée, car le sel, en trop grande quantité, peut à terme augmenter les risques. De son côté, le gouvernement étend la zone d'évacuation à 20 km autour de la centrale. Tragique réponse face à cet ennemi invisible qui guette. On fuit de plus en plus loin. Près de 200 000 personnes quittent les alentours de Fukushima. Elles s'ajoutent aux 450 000 évacués après le séisme. Le bilan humain s'alourdit de jour en jour. Le tsunami aurait fait presque 10 000 victimes et autant de disparus. Au nord, dans la région sinistrée, le froid et la neige ralentissent les secours et augmentent le nombre de décès. Le dimanche 13 mars, deux jours après le séisme, Naoto Kan, le Premier ministre, tient une nouvelle conférence de presse. Il doit se rendre à l'évidence. Cet enchaînement de catastrophes et la menace nucléaire sont d'une ampleur exceptionnelle. Il termine son discours par ces mots lourds de sens. Le pays vit sa crise la plus grave depuis 1945. Surtout que le lendemain, à la centrale de Fukushima Daiichi, la catastrophe continue. Vue du ciel, la centrale de Fukushima laisse découvrir ses nuages suspects, ses blessures. La situation s'est de nouveau détériorée hier soir. À 20h30 heure française, les autorités annoncent que le niveau de température a augmenté dans les réacteurs 5 et 6. Puis à 23h30, l'enceinte du confinement du réacteur numéro 2, la carapace, est endommagée par une explosion alors que les ingénieurs injectaient de l'eau pour compenser la panne du système de refroidissement. Le cœur du réacteur ne serait plus protégé. Cette fois, le Japon demande officiellement l'aide des experts internationaux. La centrale de Fukushima se transforme en véritable cocotte minute. Les explosions se succèdent. Le 15 mars, nouvelle explosion dans le réacteur 2. Et en plus, un incendie se déclare dans le réacteur 4. Pendant ce temps, on constate la fusion partielle du réacteur 2, puis de la fumée se dégage du réacteur 3. On essaye alors une opération de refroidissement par hélicoptère. Mais l'augmentation de la radioactivité sur le site empêche toute intervention. Cette technique utilisée au moment de Tchernobyl renforce la comparaison. La situation est hors de contrôle, d'autant que les 50 de Fukushima, opérateurs restés sur place, sont aussi évacués. Sur le site, il ne reste plus personne. Les autorités semblent totalement dépassées par les événements, à tel point que le mercredi 16 mars 2011, 5 jours après la catastrophe, l'empereur Akihito prend la parole à la télé. La situation dans les centrales nucléaires est extrêmement imprévisible. Et avec l'aide de ceux qui sont impliqués, j'espère de tout mon cœur que les choses ne vont pas empirer. C'est la première fois depuis son accession au trône en 1989 que l'empereur s'adresse au peuple. Son discours rappelle celui de son père, Hirohito, lors de la sédition du Japon en 1945. Le pays est au bord du précipice, suspendu à cet unique impératif, refroidir coûte que coûte les réacteurs de Fukushima. Le 17 mars, 6 jours après le séisme, les hélicoptères parviennent enfin à survoler le site. Alors ils déversent des tonnes d'eau de mer au-dessus de la centrale. Dans cette bataille de l'eau que mènent les hommes contre leurs installations nucléaires, le rapport de force s'inverse. Les rejets radioactifs semblent diminuer. Des équipes de pompiers et de militaires sont renvoyées sur place pour arroser les réacteurs. Les employés de la centrale sont eux aussi de retour sur les lieux. Tous ces volontaires qui meurent dans le silence de la radiation seront bientôt appelés les kamikazes de Fukushima, malheureux successeur des liquidateurs de Tchernobyl. Une centaine de militaires, de pompiers, d'employés de la centrale qui se relaient jour après jour afin d'enrayer la catastrophe nucléaire. Petit à petit, l'approvisionnement en électricité de la centrale est rétabli. Il permet la reprise en main partielle du refroidissement des réacteurs. La situation stagne. Les journalistes détournent de la centrale pour se concentrer maintenant sur les victimes du tsunami. En réalité, le 28 mars, 2 semaines après le séisme, les autorités japonaises expliquent que le risque d'une catastrophe nucléaire est loin d'être écarté. Les fuites radioactives sont encore nombreuses. D'autant qu'une inquiétude grandit. On réalise en effet que l'eau injectée est ensuite relâchée en pleine mer. Le porte-parole de l'entreprise TEPCO se présente alors devant la presse pour rassurer une fois de plus sur les conséquences de cette solution. Les courants océaniques vont disperser les particules radioactives qui seront donc très diluées lorsqu'elles entreront dans la chaîne alimentaire des poissons. Ou bien, elles seront absorbées d'ici là par les algues. Oui, sauf que quelques jours plus tard, l'information sort. Au large de la centrale, à 300 mètres des côtes, des prélèvements montrent que les taux de contamination sont 1200 fois plus élevés que la normale. Un exemple supplémentaire de la responsabilité de l'entreprise TEPCO dans la gestion de cette crise et de son irresponsabilité. Erreur de chiffres, en effet, des annonces, amateurisme, la collusion entre le gouvernement et la firme est largement pointée du doigt. Les effets de la catastrophe de Fukushima s'accumulent à mesure que les semaines et les mois passent. Des aliments en provenance de la région sont interdits, les premières cartes des rejets radioactifs et de leur niveau sont publiées. Les chiffres font froid dans le dos. La catastrophe de Fukushima est bientôt classée par l'Agence de sûreté nucléaire au niveau 7, autrement dit le plus élevé à l'échelle internationale, le même que celui de Tchernobyl. Le 11 avril 2011, le Premier ministre donne un nom à la tragédie du 11 mars, le grand séisme du Japon oriental. On dénombrera finalement 16 000 morts, 3 500 disparus et 6 000 blessés. 92% des victimes sont dues au tsunami. Mais qu'en est-il de celle de Fukushima? Quelles seront les conséquences sur l'environnement et sur les hommes de cet accident nucléaire, cet ennemi impalpable qui ne dit pas ses morts? Pour les compter, il faut attendre. Le démantèlement de la centrale de Fukushima continue, il devrait être achevé dans 40 ans. En septembre dernier, le nouveau Premier ministre du Japon, Shinzo Abe, a annoncé son intention de relancer 2 réacteurs. Depuis Fukushima, les centrales n'avaient pas été réactivées. Mais sur son chemin, le dirigeant japonais trouvera de nombreuses associations et militants antinucléaires remobilisés après le drame de Fukushima contre cette industrie sournoise dont les dangers sont sans odeur, ni couleur, ni repère dans le temps. Nous en savons quelque chose, nous les Français, citoyens d'un pays qui a décidé de se lancer à corps perdu dans l'atome, constituant un panier énergétique totalement déséquilibré en faveur du nucléaire. En termes de densité de centrales, nous sommes les champions du monde. Pas un Français n'échappe au maillage. L'immense majorité d'entre nous vit à 100 km d'une centrale, rarement plus. Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, Fukushima avec notre invité, Noël Mamère. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes député Europe Écologie Les Verts de la Gironde, maire de Bègles. Alors j'entends d'ici Les retours sur les réseaux sociaux à propos de cette émission, c'est bien d'ailleurs, hein, les gens ont le droit de dire ce qu'ils pensent, on va nous dire. Vous faites une émission sur le nucléaire et vous invitez quelqu'un qui est contre le nucléaire et pas quelqu'un qui est pour. Mais d'abord, on rappelle que l'information et le traitement d'information, c'est pas une minute pour le rouge et une minute pour le noir, que le débat n'est pas autour du danger du nucléaire, puisque la preuve est apportée avec Fukushima, elle avait été apportée aussi avec Tchernobyl. Non, et avant avec Three Mile Island. Absolument. Le débat, c'est qu'est-ce qu'on en fait et ce qu'on peut faire. Alors, Noël Mamère, ben déjà, comme chaque invité, je pose la question, quels sont vos souvenirs précis de ce moment-là, quand vous avez découvert le danger nucléaire juste après le séisme? Qu'est-ce que vous avez pensé? J'ai pensé qu'on n'apprend rien de l'histoire. Je me suis souvenu de ce que j'avais vécu au moment de la catastrophe de Tchernobyl. À l'époque, je présentais le journal de 13h sur Antenne 2, qui s'appelle France 2 aujourd'hui. Mmh. Et nous avions des spécialistes du nucléaire français qui n'arrêtaient pas de nous expliquer qu'il n'y avait aucun danger, que le nuage pouvait s'arrêter aux frontières de la France. Et j'ai bien vu ce qui se passait après la catastrophe de Tchernobyl. Et quand j'ai vu Fukushima, je me suis dit c'est sans doute encore pire, parce que on avait analysé Tchernobyl comme le symbole de la faillite du régime soviétique. Mmh. C'était sa première grande fêlure avant la chute du totalitarisme. Or, le Japon, c'est l'exact contraire. Le Japon est vanté comme étant l'un des pays les plus riches du monde, ce qui n'est pas faux, et où on nous expliquait qu'il n'y avait aucun danger avec les centrales nucléaires, alors qu'elles sont construites sur des zones sismiques, que tout était contrôlé et qu'il ne pouvait rien se passer. Et puis le pire est arrivé avec Fukushima, et donc ça fait froid dans le dos, effectivement, parce que nous savons les uns et les autres, avec le recul historique, que lors d'une catastrophe nucléaire, il n'y a pas d'après. C'est d'ailleurs ce que vous avez expliqué au cours de votre émission, en disant que, oui, après une catastrophe comme Bhopal, par exemple, on sait les dégâts sur les humains, les dégâts à l'environnement et les dégâts sur les humains. Ils sont palpables, on les voit immédiatement. Ils sont palpables. Dans le cas d'une catastrophe nucléaire, ça peut durer des décennies. Et d'ailleurs, une dépêche est tombée ce matin. Je reconnais l'ancien journaliste. Je vais la donner. Oui. Elle est tombée ce matin, effectivement, elle est importante, puisque pour la première fois, Tokyo admet un lien entre un cancer et l'accident de Fukushima. L'homme qui souffre d'une leucémie a été exposé à 19,8 millisieverts de radiation au total, dont une dose de 15,7 entre octobre 2012 et décembre 2013 sur le site de Fukushima. Donc oui, après la catastrophe. Oui, après la catastrophe. Donc ça, c'est important. Qu'est-ce que ça dit, d'abord, ça dit deux choses. La première, c'est que les autorités japonaises, même si elles ont eu beaucoup de difficultés à dire la vérité, puisque la culture du nucléaire, c'est une culture du secret pour une raison très simple, c'est que le nucléaire civil n'est que le prolongement du nucléaire militaire. Donc pour protéger un secret, il faut souvent mentir. Et en l'occurrence, les Japonais font preuve de plus de transparence puisqu'ils reconnaissent, ou en tout cas ils disent, il y a une possibilité de lien entre les radiations atomiques qu'a reçues cet homme, cet ouvrier, et sa leucémie. En France, c'est très compliqué. Regardez le temps qu'il a fallu pour que l'on reconnaisse les maladies professionnelles liées à l'amiante. Oui. Ou si on reste dans le nucléaire, l'incident important du Blayais. Alors, chez l'incident vous, important du Blayais, je l'ai vécu. Je suis maire de Bec depuis 1989. Et l'incident du Blayais, de la centrale nucléaire de Braux-et-Saint-Louis, c'est le nom de la commune où se trouve cette centrale, que dans le jargon des écologistes, nous surnommons Tchernoblay, parce que c'est à côté d'une ville qui s'appelle Blaye. En 1999, nous avons été victimes d'une grande tempête en France. Oui. Et la conjugaison de l'eau, du vent et des grandes marées a produit la rupture des digues qui étaient censées protéger la centrale nucléaire de Braux-et-Saint-Louis. C'est un vrai parallèle parce que l'eau est entrée jusqu'à 7 mètres de haut dans la centrale. Ah oui. Donc on était tout proche d'une configuration exactement semblable à celle de Fukushima. Les pompiers spécialisés ne pouvaient pas accéder à la centrale et on l'a appris plus tard. Le préfet d'Aquitaine a téléphoné au maire de Bordeaux, Alain Juppé, pour lui dire « Monsieur le maire, il est possible que l'on soit contraint d'évacuer la population de Bordeaux. Mmh. L'alerte dont était l'objet la centrale de Brault et Saint-Louis est une alerte de niveau 2. On évacue la population à partir d'une alerte de niveau 3. L'alerte de Fukushima, comme vous l'avez précisé tout à l'heure, c'était une alerte de niveau 7. On a mis beaucoup de temps avant de savoir exactement ce qui se passait sur Blaye. D'ailleurs, les autorités, le responsable de la communication d'EDF a été remercié, parce qu'en effet, on a fait payer le lampiste, mais on voit bien de Tchernobyl à bien d'autres incidents qui se sont produits, des incidents graves qui se sont produits sur un certain nombre de centrales en France depuis cet accident de Blaye. Eh bien, on voit que le lobby nucléaire ne parvient pas à sortir du secret et protège toujours d'une manière forte et insupportable dans une démocratie la réalité de ce que des dangers que représente le nucléaire. En même temps, alors certes, en même temps, il y a quand même beaucoup de procédures de sûreté dans le mécano nucléaire. Il y a l'ASN, qui est le gendarme nucléaire, hein, qui est l'autorité administrative, et puis il y a des gens de l'IRSN. Oui. Qui eux voient ça de façon objectif. Je ne mets pas en cause la sincérité des contrôleurs, mais il y a un défaut majeur, comme d'ailleurs dans la police, c'est que le contrôleur est aussi le contrôlé. Tous ces spécialistes qui sont chargés de vérifier... Émanation de l'État, ils appartiennent tous à une caste d'État qui s'appelle le corps des ingénieurs des mines et qui a toujours, malgré la loi de transition énergétique, qui a toujours la haute main sur la politique énergétique dans notre pays. Ce sont les mêmes qui se sont évertués pendant des années et toujours à essayer de freiner le développement des énergies renouvelables tels que le solaire ou l'éolien, puisqu'on est obligé maintenant d'aller acheter des panneaux solaires aux Chinois. On a quand même fait des progrès dans la transparence. Il y a eu une loi en 2006 sur la transparence nucléaire. Bon, j'imagine que vous trouvez ces progrès insuffisants. Mais il y a quand même une prise de conscience. C'est pas le déni de démocratie totale, quand même. Il y a toujours déni de démocratie, même s'il y a eu quelques progrès. Il y a les comités locaux d'information aussi, Noël Lamère. Oui, les comités locaux d'information. Je vous recommande vivement de faire des reportages sur les comités locaux d'information. Vous verrez que le niveau d'information de ses membres est à peu près équivalent à zéro. Non, il y a toujours un déni de démocratie dans un secteur clé, un secteur extrêmement dangereux qui s'appelle le nucléaire. On n'est toujours pas sorti de l'omerta et du secret. Et c'est ce qu'il faut reprocher. Alors, on va de la France au Japon, mais ça n'a rien d'incohérent. Finalement, les soucis sont les mêmes. Nous sommes deux pays développés, deux pays avec un parc nucléaire très important. En proportion, ça devient énorme, parce que le Japon est tout petit, la France n'est pas si grande que ça. Oui, le Japon est peut-être tout petit et la France pas si grande, mais comme vous l'avez souligné tout à l'heure, je raccourcirai un petit peu la distance. La France est le pays le plus nucléarisé du monde par rapport au nombre d'habitants. Mmh. Il n'y a pas une centrale nucléaire à moins de 75 km du nord. C'est 75. On est là pour apprendre aussi. Oui, je ne sais pas si c'est moi qui détiens la vérité. Je me méfie de tous ceux qui prétendent nous imposer leur vérité. On sait ce que ça a donné dans l'histoire. Donc, je préfère cultiver le doute à la manière de Montaigne. Un autre Bordelais illustre. Voilà. Et qui fut maire de Bordeaux. Non, c'est vrai que les Japonais ont beaucoup moins de centrales nucléaires que nous. Beaucoup moins de centrales, mais elles sont sur des zones très sensibles, notamment des zones sismiques. Et donc, si vous voulez, un accident nucléaire, ce que je ne souhaite pas, un accident nucléaire en France pourrait avoir des proportions terribles. D'ailleurs, la catastrophe de Tchernobyl aurait pu avoir des conséquences immensément plus grandes et beaucoup plus graves pour l'ensemble de l'Europe s'il n'y avait pas eu, c'est ça qui est terrible, et qui doit nous interroger sur philosophiquement sur nos systèmes politiques. S'il n'y avait pas eu un système totalitaire qui oblige des ouvriers à se sacrifier pour aller cimenter le socle de la centrale, eh bien nous aurions pu connaître ce qu'on appelle le syndrome chinois, c'est-à-dire être victime des émanations de radioactives de Tchernobyl bien au-delà du secteur de Tchernobyl. On n'a jamais connu le nombre de victimes liées à ces travaux obligatoires, mais il y en a eu beaucoup. Et ça, c'était lié. Vous voyez que le nucléaire, il est aussi lié à un système politique qui n'est pas franchement un ami de la démocratie. Ah bah, il est développé dans des pays démocratiques. Il est certainement développé dans des pays démocratiques, mais avec des méthodes de protection qui n'ont rien à voir avec des méthodes de maintien du secret qui sont l'exact contraire de la démocratie. Mais je peux vous donner d'autres exemples dans combien ? Nous sommes le 20 octobre. Ouais. Le 25 octobre, nous célébrerons malheureusement la mort de Rémi Fraisse, qui a été tué à Sivens pour protester pacifiquement contre la construction d'un barrage qui avait pour seul objet de satisfaire la volonté des maïsiculteurs qui exploitent et gaspillent l'eau de manière éhontée. Et c'est aussi, dans un pays démocratique, l'absence des citoyens dans le cheminement d'une enquête d'utilité publique, où on est capable de vous imposer, parce qu'il paraît-il, un élu aurait la science infuse, de vous imposer des projets sur lesquels vous n'avez aucun pouvoir. La même chose, nous avons défendu Éric de Lucas avec beaucoup de vigueur, qui se bat depuis des décennies contre le projet de ligne à grande vitesse Lyon-Turin, qui va coûter à peu près 30 milliards d'euros, qui est imposé dans le Val-de-Suse comme du côté de Chambéry, et qui est un projet, ce qu'on appelle nous dans notre jargon, un grand projet inutile à imposer, qui ne permettra pas à terme de mettre plus vite les camions sur les trains, ce qui est une nécessité par rapport à l'effet de serre. Alors, on va revenir sur... C'est la même chose. Oui, quand je vais revenir, voilà. C'est une question de civilisation, enfin, c'est pas des questions techniques, c'est pas des questions économiques, c'est d'abord des questions de civilisation. Oui, elle a été très bien posée par l'un de ceux qui a le plus réfléchi, par deux hommes. Un qui a réfléchi beaucoup sur les deux drames qui ont traversé ce court XXe siècle, que sont Auschwitz et Hiroshima, c'est Günther Anders, qui dans l'obsolescence de l'homme parle de la honte prométhéenne. Tchernobyl, Fukushima, ce ne sont que les métaphores de cette honte prométhéenne. Et puis au Japon, quelqu'un de très important, un grand écrivain qui a reçu le prix Nobel, Kenzaburo Oe, qui a centré l'essentiel de son œuvre sur l'explosion nucléaire d'Hiroshima, et qui est très engagé, avec Murakami et d'autres, dans la lutte contre la réouverture de centrales nucléaires. Mais au Japon, contrairement à l'Allemagne ou à la France, les Japonais ne sont jamais beaucoup descendus dans la rue pour lutter contre le nucléaire. Mais depuis Fukushima, il y a une opinion publique qui est en train de se créer. Et il y a un très bon livre d'un Français qui s'appelle Michael Ferrier, qui vit au Japon, et qui a écrit peu de temps après la catastrophe de Fukushima, chez Gallimard, un livre formidable qui s'appelle « Itinéraire d'un désastre ». Bien, Noël Mamère, on va écouter ensemble un monsieur que vous avez combattu politiquement, vous serez peut-être encore amené à combattre, Nicolas Sarkozy, qui était président à ce moment-là. Il s'est exprimé juste après la catastrophe de Fukushima. Il était en visite chez EDF, dès quelques semaines après la catastrophe de Fukushima, et voilà ce qu'il disait. Je veux que les choses soient claires face au manque de sang-froid de tant d'observateurs qui, ne connaissant rien au nucléaire, font des amalgames et disent des choses qui ne sont pas respectueuses du travail de nos ingénieurs et de nos techniciens. En tant que chef de l'État, j'ai confiance dans la sécurité du parc nucléaire français. Je veux préciser les choses devant vous. Continuer dans le nucléaire, faire confiance au nucléaire, c'est continuer à investir dans le nucléaire. Soit on croit dans le nucléaire et dans sa sûreté, et dans ce cas-là, on continue à investir dans le nucléaire. Soit on ne croit pas dans le nucléaire, et dans ce cas-là, on arrête le nucléaire et on ferme le nucléaire. Mais dire, on fait le moratoire, on garde nos 58 centrales, on bouge pas et on attend que le ciel nous tombe sur la tête, c'est le choix du passé, c'est le choix du Moyen-Âge. Et il faudrait que, parce qu'il y a eu un tsunami au Japon, on remet en cause ce qui fait la force de la France, ce serait un choix irréfléchi et déraisonnable. Bon, moi je me dis quand même que votre combat, Noël Mamère... Heureusement que le ridicule ne tue pas, parce qu'il serait mort depuis longtemps celui-là. En tout cas, moi je me dis que votre combat, donc sincère, franchement c'est des propos, où ça va. C'est pas des propos d'un chef d'État, ça c'est des propos de café du commerce. Sarkozy c'était l'artiste de la simplification. Travailler plus pour gagner plus, l'islam contre la République, le chômeur contre celui qui travaille. Monsieur Sarkozy a oublié une seule chose, c'est que le monde n'est pas binaire. Que c'est pas le monde selon George Bush. C'est pas l'axe du bien contre l'axe du mal. Le monde, il est complexe. Et la noblesse du journalisme, comme la noblesse de la politique, c'est d'expliciter la complexité du monde. Ça prend un petit peu plus de temps que de faire des déclarations à la con, comme il vient d'expliquer. Bon, en tout cas, nous, on prend des heures pour expliquer les choses. Vous avez raison, il faut des temps comme ça. On ne peut pas se contenter d'être abreuvé sous un robinet d'eau tiède des télévisions, de flux des télévisions d'information qui vous font croire, qui oublient le lundi à 15h ce qu'elles ont dit le lundi à 10h et qui placent tout au même niveau. Non, non, tous les événements n'ont pas la même valeur. C'est comme ça que Bernard Langlois s'était fait virer du 13h parce que le même jour, il y avait eu... La princesse de Monaco. La princesse de Monaco était morte dans un accident de voiture et Bachir Gemayel avait été l'objet d'un attentat au Liban. Quel était le plus important du point de vue de la géopolitique? Bah, il avait choisi. Il s'est fait virer. Bon, alors, moi je reviens à ma question. Votre combat, évidemment, sincère, est-ce qu'il n'y a pas un côté désespéré? Quand même, quand on pas, voit... Certainement pas. Je vous pose la question, parce que regardez tous les chefs d'État, les uns après les autres, et bien que François Hollande ait quand même réduit la voilure, parce qu'il non, a dit... Non, François Hollande, il va mais avant... Tous les... Mais non, François... Non, mais écoutez-moi. Tous les gens qui nous gouvernent, qui sont présidents, et les gouvernements, pour l'instant, sont des gens qui sont adossés à l'idée nucléaire. Ils sont tous entre les mains d'un lobby d'une caste d'État qui s'appelle le Corps des ingénieurs des mines. Ils se regardent le 21e siècle avec les yeux du 20e siècle et ils sont convaincus que le nucléaire, ça va sauver la France au prétexte fallacieux que ça ne produirait pas d'effet de serre. Mais ils ne vous disent pas ce qu'ils vont faire des déchets qui peuvent durer des centaines de milliers d'années. Et d'ailleurs, ils s'apprêtent à enfouir en grande profondeur des déchets. Oui, c'est comme si on avait enfoui sous l'homme de Néandertal les déchets dangereux, et on ne saurait plus lire les consignes parce que l'homme de Néandertal, on a peut-être 0,7% d'ADN de Néandertal, mais on ne sait pas déchiffrer ce qu'il écrivait. Le président de la République, actuel comme le Premier ministre, ce ne sont rien d'autre que des VRP du nucléaire. Chaque fois qu'ils se déplacent, ils vont vendre des centrales nucléaires, y compris d'ailleurs à des dictateurs. Et là, EDF vient de passer un accord avec les Chinois qui entre à 33,5% dans le capital, dans le budget de deux centrales nucléaires qui sont construites par les Français à Hinkley Point, en Grande-Bretagne. C'est un modèle d'EPR, celui de Flamanville, qui a déjà pris plusieurs années de retard, qui au départ était évalué à 2 milliards d'euros. Nous en sommes à 8 milliards. Même schéma dans une centrale que l'on a vendue aux Finlandais, où on est toujours, où elle est toujours pas ouverte, et où ça a été multiplié par 4. Et les budgets d'EDF sur Hinkley Point, ils ont été multipliés très exactement par 3, en termes d'investissement. Donc on est obligé d'aller chercher les Chinois qui se placent sur le marché nucléaire pour construire des centrales nucléaires en Grande-Bretagne. Tout cet argent que l'on gaspille dans un mode de production qui est déjà dépassé parce qu'il demande beaucoup de maintenance, beaucoup de surveillance, et derrière la surveillance se cachent toujours des sociétés qui peuvent devenir totalitaires, en tout cas des sociétés qui réduisent nos libertés. On ferait mieux d'investir dans l'efficacité énergétique, les économies d'énergie et les énergies renouvelables, qui sont les trois piliers de la lutte contre le réchauffement climatique. C'est la question du comment on en sort du nucléaire. Parce que premièrement, il faut prendre la décision. Oui. François Hollande dit quand même que avait prévu, c'était la 45e de ses propositions, qu'on allait passer d'une dépendance de 75 à 50%. Bon. Oui, sauf qu'il vous dit qu'on maintiendra la production nucléaire au même niveau qu'aujourd'hui et qu'on compensera la fermeture de Fessenheim par l'ouverture de l'EPR. Moi, je sais pas comment il fait, mais c'est une mathématique que je ne comprends pas bien, même si je ne suis pas, j'ai pas la médaille Field et je ne suis pas un agrégé de mathématiques. Comment on en sort? On fait des choix et on n'en sort pas. On sort pas demain matin du c'est nucléaire. Sûr. Les écologistes n'ont jamais dit ça. Il faut se donner 25 à 30 ans. Pour sortir progressivement du nucléaire, parce que la France est à 75% en alimentation nucléaire pour l'électricité. Et donc, il faut qu'on prenne le temps. Et prendre le temps, ça veut dire qu'on a un objectif industriel qui permet de prendre un certain nombre de dispositions. Mais il faut expliquer à ceux qui nous écoutent que toute notre énergie ne vient pas du nucléaire. Le nucléaire, c'est 3% de l'énergie finale mondiale, c'est 6% de l'énergie finale en Europe et c'est 17% de l'énergie finale en France. Donc ça veut dire que les camions qui utilisent beaucoup d'énergie fossile, ceux-là, ils n'utilisent pas le nucléaire. Et donc on pourrait multiplier par 10 ou par 100 le parc de centrales nucléaires dans notre pays, qu'il faudrait toujours lutter contre l'effet de serre et le réchauffement climatique parce qu'il y a toujours du charbon, toujours du gaz et toujours du pétrole exploité. Il ne reste que 30 secondes, mais ça veut dire qu'il faut à la fois enclencher le processus de sortie du nucléaire et booster le processus des énergies renouvelables booster le programme d'énergie renouvelable, mais il n'y a pas que les énergies renouvelables. Il y a l'efficacité énergétique et les économies d'énergie. Très bien, merci Noël Mamère. Je rappelle que vous avez été journaliste dans l'audiovisuel et que vous savez mieux que personne que dans l'audiovisuel, après l'heure, c'est plus l'heure. Donc c'est fini. Ah mais je prends beaucoup le train et que les cheminots disent, on fait l'heure. Paf ! Ça y est, 59. Merci Noël Mamère, à bientôt. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Fukushima, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous évoquerons le crime raciste dans le train Bordeaux-Vintimille. C'était en 1985. Nouvelle ma mère, je vous présente la jeune femme qui est en face de vous, Elsa Boublil. Bonjour Fabrice, bonjour Elsa. Noël. Alors, ça va? Elsa Boublil, qui sévit sur France Inter tous les jours de 16h à 17h. Aujourd'hui, quel est le programme? Aujourd'hui, on parle de peinture et de musique. Parce que oui, ça va être très synesthésique comme programme. Je suis sûre que c'est joli ce mot. Oui, c'est joli. Hein. Alors écoutez-moi, on va pouvoir le reprononcer synesthésique, etc. Superbe. Etc. À tout à l'heure. À tout à l'heure.